Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Par ici, par ici. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. L'émission qui déjante également les oreilles avec un sommaire encore parfait. J'espère en tout cas que tout se passe bien chez vous, que vous venez de prendre en cours de route la radio sur le 107.4 et que vous resterez branchés tout le temps maintenant, également pour les web auditeurs sur le www.station-millennium.com. Je sais que vous nous écoutez avec beaucoup d'assiduité. On vous salue, vous à travers les câbles et puis vous à travers les ondes. Tout simplement, ça se passe comme ça sur la radio, c'est bien fait. Et on a un sommaire pour vous accompagner sur cette émission. Sommaire des plus croustillants, hein. C'est un terme qu'on aime bien ici, mais on aime bien les rubriques bien chaudes qui arrivent à point dans vos oreilles. Avec ce sommaire aujourd'hui, Léna. Oui. Oui. Oui, donc nous allons retrouver le sondage. La Summer Chronique avec le Zapping Express, le journal de la rédaction, le Saint du Jour et notre fameux canular qui accompagne forcément notre Saint du Jour. Bon, pas mal de choses en perspective à venir. Et quand je dis choses, c'est des perles pour vos oreilles. Pour la musique, un Christina Aguilera, mais à l'époque où elle chantait Jenny in the Bottle, souvenez-vous. Sa meilleure, sans doute. Someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby, baby, baby. Genie in a bottle, baby. come on and let me out. Christina Aguilera, Jenny in the Bottle. Club VIP. Le Club VIP, c'est la suite, ça continue sur l'antenne dans cette bonne humeur estivale. Et puis bientôt, on vous fera un point également hein, sur la météo, on vous l'a pas dit peut-être, mais c'est vrai que les nuages peut-être se découvriront. Enfin, je n'en dis pas plus, ce n'est pas moi le spécialiste, puisque à la radio, c'est une spécialiste, ça sera Léna. Dis donc Léna, d'ailleurs je regarde un peu comme ça le conducteur de l'émission, parce que tout est bien écrit, tout est numéroté. Nous allons retrouver quelque chose d'important là, dans... Oui. Dans quelques instants. Ah oui, oui, bien sûr. On va retrouver mon sondage. Alors le sondage, qu'est-ce que c'est au juste sondage ? Le sondage, c'est une question posée aux vacanciers et aux Pérousiens. Et c'est super sympa. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça c'est pas un sondage. Non, mais sur leurs vacances, ce qu'ils font, ce qu'ils viennent faire, et voilà. D'accord. Et ça, c'est d'ici quelques instants. T'en interroges combien, grosso modo, pour savoir un peu au niveau de ton sondage ? À peu près, tout ce qui je fais tout le long de la plage de Trestraou, donc tout ce qui passe. Donc si les Magic System passent, tu les interviews, ouais. Ah bien sûr aussi. Tu leur demanderais le sondage du jour. Voilà. Bah nous on leur demande de venir chanter Akubayo. Et le titre c'est Kilimé. Magic System sur l'antenne avec son lot de bonne humeur quand même. C'est le Club VIP que vous écoutez. Club VIP. Ça se passe bien ? Ça va très bien. Oui, satisfaite ? Oui. Je parle à ma collaboratrice, n'est-ce pas ? Et aux auditeurs, donc satisfait, c'est une question générale et ça nous intéresse d'avoir votre avis sur l'émission. Si vous voulez des titres, par exemple, plus de Magic System parce que vous aimez bien et ça se comprend, n'hésitez pas, vous pouvez tout simplement nous textoter. C'est un nouveau terme que nous avons inventé ici sur l'antenne. Ça veut dire envoyer un SMS à la radio et puis nous proposer des titres. 0622 69 18 19. C'est clair et net. Léna, quel est le numéro ? 0622 69 18 19. Elle a répété toute la soirée. Oui. Ouais, et là, je dois dire. Ça, j'ai réussi. Ouais, bah, c'est impeccable. Parfait. Ouais, ouais. Génial. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo. Non, mais il faut le dire. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, tu auras le droit de choisir le prochain titre. Ah, bah, c'est déjà tiens, ça. Bah, je vais te le dédicacer. Je sais d'avance un petit peu les choix de notre animatrice, Léna, ici à la radio, et les choix qui vont faire également plaisir aux auditeurs, puisque. Tu es la reine du sondage. Nous allons aujourd'hui écouter le sondage du jour. Attention, top générique. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les gourmands du petit déjeuner. D'accord. Oui, il y a Thomas qui rigole derrière. Ouais. Ça fait plaisir. Il a l'air d'aimer le Nutella lui aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du Nutella. Donc pour vous, le Nutella, comment vous le mangez? Ouais, comment? Alors, comment? Toi, comment tu le manges déjà? Alors, moi, le Nutella, c'est avec une crêpe. Alors, je l'enroule. Par contre, j'enroule ma crêpe un peu comme un cigarillo. Un rouleau de printemps. Comment tu sais? Bah, parce que je te connais. C'est très gourmand. Je suis sûre que t'as 3 cm d'épaisseur de Nutella déjà. Ouais. Voilà. Et enroulé un peu en comme une feuille qu'on froisse un peu quelque part. Voilà. J'enfourne. Hein. Ouais. Simplement. Voilà, et puis t'as plein de chocolat, de moustache de chocolat. Donc, les gourmands, vous les mangez à la cuillère en premier. Ça, c'est Nutella à la cuillère par principe. Ensuite, bah, sur des crêpes, donc tu te retrouves en deuxième position. Et sur du pain grillé, bien évidemment. Ah oui. Bah oui. Donc, je suis en deuxième position, moi. Dans la gourmandise du Nutella, oui. Mais je l'ai fait aussi à la cuillère, je confesse. Ah, c'est qui vrai. Tu ne l'as pas fait. Toi, tu l'as pas fait? Oui. Léna n'a jamais mangé de Nutella à la cuillère. Par contre, je me suis laissé entendre dire que tu mangeais autre chose. Oui. Mais chacun ses petits péchés. Ah bah oui, moi c'est la crème de marron. Christophe Willem, alors le dernier c'est Jacques Addy. Eh ouais. Choix de sondage. Vous êtes nombreux à plébisciter Christophe Willem sur l'antenne. Et Jacques Addy, il a dit, passons une musique. Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Je traîne. Je sais pas que c'est tout. Je crie. Pas le jour. Jacques est un rêve. Avec Christophe Willem à l'instant, c'était Jacques Addy. Club VIP. Encore une chanson estivale que vous appréciez et que vous avez plébiscité. N'hésitez pas à nous envoyer vos coms, c'est toujours le 0622 69 18 19. Également, vous pouvez le faire sur nos sites internet. Vous tapez Estival FM sur un moteur de recherche bien célèbre et vous tombez de suite sur nous. D'ailleurs, s'il y a des web auditeurs qui veulent se signaler pour nous, de, je sais pas, nous faire tout simplement une petite carte postale d'un espace lointain ou exotique, ça nous fera bien plaisir ici à la radio, sachant que c'est Péros Grec, la côte de granit rose. Mais on est très très heureux comme ça de voir un peu d'où vous nous écoutez. N'est-ce pas, Léna? Oui. Imagine-toi un auditeur. Oui. Où est-ce que tu penses que il pourrait nous écouter dans un endroit le plus insolite au monde? Moi, je dirais sur les plages paradisiaques de Tahiti. Il serait branché sur le web, là? Ouais, avec la Wi-Fi et tout. D'accord. Il serait direct sur la plage, alors carrément, ah ouais, avec son plage. Portable, il nous voilà. Écouterait. Ah ouais, mais je vois bien ça. Hein. Ouais, sous les cocotiers, avec la mer bleue, ça serait pas mal. Si hein. Vous êtes celui-là, envoyez-nous un SMS, parce que là, on aura visé juste 0622 69 18 19, tout simplement. Et puis, les cocotiers, la plage, c'est également ici à Trestraoui, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est que du bonheur sur l'antenne. Hein. Vraiment, ça fait plaisir. On va retrouver bientôt la Summer Chronique. Oui. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le Zapping Express. Le Zapping Express? Oui. Alors, en quoi consiste-t-il? C'est... On quitte les studios d'Estival et on va dans une autre radio, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Oui, elle a réussi. Oui. Non, parce que la Summer Chronique, il y en a une chaque jour différente, en fait. C'est pour ça. C'est pas si simple. Le mercredi, donc, effectivement, c'est le Zapping Express. On se branche sur une autre radio via... le web ou alors la bande FM. Vu que j'ai encore gagné, j'ai le choix. De la musique? Oui. Si tu veux, mais alors là. Non, le choix de la, le choix de, ah, la radio. De la radio. On va te laisser le choix entre deux radios et tu choisiras sur quelle radio tu souhaites aller. Ouais. Pour la musique, c'est. Ah, c'est une Miss. C'est pas Miss Léna, c'est pas Miss Fruit de mer, c'est Miss Luna. Avec Shining on My Mon Own. On vous donne le vrai titre juste derrière. Miss Luna à l'instant avec Shining on My Mind. Le numéro SMS pour nous joindre. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. Pardon. 0 622 69 18 19. Voilà, si vous voulez nous joindre, c'est ce numéro. Pour la musique, Michael Kevin, I don't make any difference. Et vous écoutez Estival, c'est dans une super ambiance. N'hésitez pas donc à textoter. Le Zapping Express derrière. Caribbean, the African, the Latin woman, the European, Middle Eastern, and the Indian. This one goes on to all the girls. All you gotta do is look at me. Three generations of my family, see. People treat you different when you're in between. He was black and she was white. You know that most people thought that it wasn't right. I can still remember what she used to say. It don't make any difference to me. What love, what love, what the love. World thinks about us, baby. Yep. What love, what love. Cause in my what heart, love. I will always believe. Yep. What love, what that love. That we were love. Meant for each other. Love ain't got no color. It don't make any difference to me. Yeah. We love the black, we love the white, we love the Asian. Caribbean, the African, the Latin woman. The European, Middle Eastern, and the Indian. This one goes out to all the girls around the nation. Every time I look at you, deep in your brown eyes, I see what you're going through. The streets are different if you're in between. Oh, I can feel it every day. Whispers of words that they think I don't hear them say. Before you let a tear fall, remember, girl. So we can maintain. Oh, even though it might get a little difficult, always remember, girl, that we're inseparable. Don't make any difference to me. Don't make a difference. What don't make love, a difference. What the world thinks about us, baby. What they yeah. think what about love, us. Cause yeah. in my heart, I will always believe. Michael Kevin, Club VIP. I don't make any difference sur l'antenne. Et on attaque avec la suite, c'est le Zapping Express. En tout cas, on salue tous nos auditeurs qui viennent de nous retrouver. Et puis ceux qui étaient là, évidemment, les fidèles. D'entre les fidèles, on vous réserve pas mal de cadeaux à venir. D'ailleurs, on a un nouveau cadeau aujourd'hui. Avec la bourriche de 48 huîtres, on vous fera gagner autre chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est le cinéma chez vous. Ouais. À Homs. Non, encore mieux, encore mieux. On vous offre carrément le cinéma. Deux places de cinéma. Ouais, c'est pour la première. Non, c'est pour la première du jeu. Ah, la première du jeu. Pour donc la bourriche plus les deux places. Plus deux places de cinéma, imaginez c'est combien énorme. On est. Eh, le cadeau, c'est genre le cadeau dans les 100 euros, quoi. Alors, il va falloir que je fasse une charade beaucoup plus compliquée que d'habitude. Ah bah là, oui. Parce que t'imagines, bon, une place de ciné, quand même, c'est aux alentours de Léna, le prix moyen. 7 euros. Ouais. Deux places, 14 euros. Ouais. La bourriche 8, oh là, 20-30 euros. Ah ça je ne peux pas, je ne mange pas d'huîtres, donc c'est ça toi l'expert. Ça fait cadeau à 40 euros sur l'antenne, cash gratuit comme ça, rien qu'en écoutant la radio. Ouais, bah franchement, énorme. Venez jouer au Sun Game. Bah ça vaut le coup. Bon, maintenant vous allez aller dans une radio différente. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Alors, je te propose deux radios différentes. Vas-y. Alors, nous avons radio. Alors, est-ce qu'on a été sur Radio Rap Killer par exemple? Non. D'accord, je te propose celle-là. Pas. Et sinon, je te propose également Oui, vas-y. On a déjà fait, on est allé en Russie déjà. Ouais. On a fait radio, une radio de jeunes. Bon, ça y est, je t'ai trouvé les deux radios. Radio Rap Killer ou alors Radio Tech Adonf. Qu'est-ce que tu préfères? Oula. Ah oui, c'est deux styles un peu différents. Oui. Bah, allez, Rap Adonf. Rap Adonf, ça n'existe pas. C'était Radio Rap Killer. Ah, Rap Killer. Ou alors Radio Tech Adonf. Et je fais un mix des deux, c'est pas mal. Ouais, mais on va prendre le rap. Rap, Radio Rap Killer. Allez, on va essayer. T'es prête? On y va. On saute là-bas. Faites attention, c'est une autre radio, donc on... Bah, au revoir déjà. Au revoir, auditeur. Au revoir, Estival. Vous quittez Estival, vous quittez Millennium également sur Internet. Et puis là, on est parti sur cette radio Rap Killer, je ne sais pas, l'ambiance. T'as pris ta casquette et t'as mis ton baggy, j'espère. Wesh. On est parti. C'est y part. Rap Killer. Rap Killer. La radio du rap dur. Ouais, salut, c'est Gros Dave pour le couvre-feu de la nocturne de minuit du soir de que quand la journée elle est finie. Ouais, c'est le nom de l'émission, c'est un peu compliqué. Mais ce soir, on reçoit un flow de rappeur killer, un truc de fou. Ouais, même monte le son de ta chaîne. On va balancer 15 000 watts dans tes oreilles en recevant le boss des boss, Mac Cassidy en personne, le Big Mac. Ouais, je suis là dans ton poste, alors dégage ton cérumen pour prendre mon blabla dans ta face de macaque. La voix de ouf que t'entends dans ton poste, c'est Macassili. Deux mois de tôle à Fleury pour avoir craché sur son producteur. Respect. En tôle, on m'appelait le Mac Fleury. Est-ce que tu veux goûter mes noisettes? Non, sans façon, est-ce que tu peux pas plutôt nous jouer un extrait de ton dernier single? Marteau piqueur. On te balance l'instru juste derrière pour que tu chopes le tempo. Ouais, c'est bon, vas-y, je l'ai apporté mon tempo à moi. Ma parole, c'est un marteau piqueur. Bah ouais, moi je balance par-dessus la zig du marteau piqueur. Eh hey Mac, tu vas pas le brancher. Oh, ça se branche pas, c'est pas électrique, c'est un moteur à explosion pour t'exploser ta face. Non, fais gaffe au studio. Et c'est parti, ça va chauffer. Prends le Big Bang dans ta face. Fais cracher le boomer que ça le fasse. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Arrête, t'es en train de tout péter là-haut. Marteau Baker, brise le tabou, sois le marabout de ta peur. Tu pètes tout, fais gaffe, t'es en train de tout fissurer. Bam, bam, bam, bam, bam. Rap killer, 100% killer. Y aurait pas une fissure sur le mur de la radio là? Et ouais, c'est ça le problème d'inviter des rappeurs un peu costauds quand même. Nous on n'en invite pas sur Estival qui viennent avec des marteaux piqueurs, mais pourquoi pas? Pourquoi non. Pas un jour? Club VIP! Club VIP, la suite avec une nouveauté. Coxy, c'est un garçon. Mais quand tu retires la CD, ça donne garon. Mais si tu rajoutes un C, ça donne. Léna? Oui. Oui. Ça donne garçon. Ah non, c'est... Ouais, bon, on écoute la chanson. Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit: Eh hey madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit: Madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas te faire une gâterie? Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds: mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde, il me fait: Ouais, c'est pour pas de ma mère ou je te défonce. Je lui réponds: du calme Alphonse. Je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit: Ouais, mais toi je te... Je lui dis: bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la CD, ça fait garçon. Et garçon con, ma fille, garçon con. Garçon con, garçon con, qui perdent leur CD. Garçon, si t'enlèves la CD, ça fait garçon. Et garçon con, ma fille, garçon con. Chemin au feu suivant, j'entends hey, grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec, redescends de ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la quéquette. Il me dit vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je veux te la mettre. Tu dis c'est moi qui suis vulgaire, non mais là, c'est la fête. Je rêve, pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, il descend, je dis c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit non, toi tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon. Et gare au con, ma fille, gare au con. Comment parlent certains garçons? Quelle honte, il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une... Tout à coup Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit ouais vas-y c'est bon, lâche-moi, pardon. Je lui dis c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y'a un sérieux problème d'éducation. Pourtant, je suis sûr que t'as un bon fond. Il me dit t'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression. Je lui dis c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Alphonse qui fond en larmes dans mes bras. Je lui dis toi t'as besoin d'amour, ça se voit. Allez viens là, fais un bisou à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon. Et gare au con, ma fille, gare au con. Coxy Garçon, une chanson résolument féministe sur l'antenne. Club VIP. Il en faut pour tout le monde, hein. N'est-ce pas, Léna? Oui. Ah, il en faut pour tout le monde. Oui, il en faut pour tout le monde. Elle a... Alors, notre animatrice, vous ne la voyez pas dans les studios, mais à la radio, nous avons 15 casques. Il y a le casque pour la pré-écoute, le casque pour entendre la voix de Jack, le casque de l'émission, le casque de l'ordinateur portable, le casque qui sert à préparer les news, le casque... Bon, il y a trop de casques. Il y a beaucoup de casques. Si vous voulez un casque, d'ailleurs, n'hésitez pas, envoyez un texto, on vous en offre un en or. Voilà. Signé de la main de Jack, c'est parti. Et gravé... avec l'empreinte digitale de Léna dans le béton, un beau casque. Waouh. Ouais, on fait tout ça sur l'antenne. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Qu'est-ce qui se passe dans la radio? Bah, je crois que c'est le journal de la rédaction. Oh, j'adore. Ça sera d'ici un titre, par contre, car nous avons Beyoncé qui pousse un petit peu pour essayer de passer sa chanson. Oui. Le titre, alors, c'est Upgrade You. Tu connais? Non. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle, ouais, c'est pour c'est normal. Alors. On aime bien comme ça. Mercredi, on vous l'a dit, on vous fait découvrir des nouveautés, des perles. Mm-hmm. Beyoncé, Upgrade You, c'est pour vous. I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. No, this true, the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't a shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? You need a real woman in your life. Taking care of home and still fly. Focus, I can feed you. cape watch, dimples in your necktie, Hermes briefcase, Cartier top clips, silk line blazers, diamond cream facials, VVS cufflinks, six star pimp suites, partner let me upgrade you, grade you, partner let me upgrade you, grade you, let me upgrade you, grade you, upgrade you, upgrade you. Ah ouais, upgrade Beyoncé. Club VIP. Ouais, vous avez reconnu, c'est le Club VIP. On est là encore pour une bonne heure, une bonne grosseur avec un bon gros quart d'heure ajouté derrière, ça vous donne 1h20. Voilà, nous sommes en compagnie de Léna également dans les studios qui est là. Oui, tu vas bien? Oui, il y a notre assistant sportif qui est là, il va bien? Très bien. Il va très très bien, il nous prépare de très bonnes news tennistiques, j'espère. Ouais. On n'arrête pas de regarder le tennis en ce moment avec mon chroniqueur sportif. Là, on se fait une spécialité, là, on va vous parler de tous les joueurs. Oh, on fait une spéciale tennis aujourd'hui. Ah, si tu veux. Ça marche. Donc, on suivra un peu le classement mondial et tout ça, c'est important, hein, savoir ce que donnent les joueurs du tennis. Et puis, je sais, vous, auditeurs, que vous aimez bien ça derrière vos postes de radio. Puis, on fera un petit point du côté du Tour de France également. Ça s'impose, c'est l'actualité. Mais pour l'heure, voici Léna, c'est à toi de l'annoncer. Le journal de la rédaction. Très bien, c'est parti. Elle s'est trompée de casque encore, parce qu'à la radio, nous avons plein de casques. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. La Hongrie s'interroge sur la législation sur la sieste. Les Hongrois pourraient bien avoir à se rendre aux urnes début 2008 pour décider de la législation en matière de sieste dans le pays. La personne à l'origine de cette idée devra réunir 200 000 signatures nécessaires pour le lancement de ce référendum. Ils savent plus quoi inventer pour amener les gens aux urnes. Eh ben là, c'est une idée. À Washington, la machine à compliments nous remonte le moral. Après les câlins gratuits, les compliments gratuits pour redonner le moral aux habitants de Washington. Tom Graves, un artiste de 46 ans, a créé une machine à compliments qu'il a installée sur une rue fréquentée de la capitale américaine. Donc elle vous délivre comme ça des compliments. Tu es très en forme aujourd'hui. Oui. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça se voit. Tu es très beau. Ah mais non. Tu es très élégant. Te retourne le compliment parce que vraiment, il y a quelque chose en plus aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, t'avais pas d'habitude. Ah ouais. Jack, la machine à compliments. Ça coûte pas cher. Hein. Non, ça va. T'as bronzé. Oui. Ah non mais franchement, t'as bronzé. Non mais sans blague, hein. Je arrête la machine à compliments, t'as vraiment bronzé. Oui, mais ça c'est pas mal aussi. Hein. Bon, voilà comment ça marche une machine à compliments. Pour la suite de la... C'est cas par mort. Pour la suite du programme, voilà. Alors, cet après-midi, vous avez tournoi de basket de 14h à 16h au Central Park. Pour aujourd'hui, il y avait aussi une sortie à Armory Park de 10h30 à 17h30. Et votre soirée, c'est du golf de 17h à 18h30. Et ensuite, on passe au handball à Kerabram de 18h30 à 20h pour l'initiation. Et le tournoi est entre 20h et 23h. Donc voilà, petit tour sur jeudi peut-être ? Un petit tour sur jeudi, c'est important. Alors, vous avez une course d'orientation. Alors, elle est à Trestraou, c'est ça, plage de Trestraou, de 15h à 17h30. Pour la soirée, c'est du rando-kayak de 17h à 19h30. Ensuite, c'est du bowling de 19h30 à 21h. Et bien sûr, le podium jeune talent avec parti pris de 21h à 21h45 au jeudi de Trestraou. Bien. Et au niveau de DBE, donc aujourd'hui... DBE, destination bien-être, promotion santé. Voilà, spécial kayak, journée réservée aux filles à Trestraou. Wesh ma kayak. Voilà, pour jeudi, ça sera la radio puisqu'ils vont vous parler de... Séduction, me semble-t-il. Amour, non? Moi, moi, c'est alimentation équilibrée. D'accord, ça va, c'est l'amour de bien manger, sans doute. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être la semaine prochaine, tu t'es trompé. Comment séduire un haricot? Ou une pomme de terre? Bah, faut la regarder dans les yeux. Mais non, les patates ont des yeux. Mais c'est ça vrai. Se mange pas. Non, on les enlève. Pour la musique, intro. Revival, mais toujours aussi excellent. Je rappelle également que si vous êtes un peu fan de musique électronique, on diffuse notre discothèque partenaire privilégié, le Why Not, tous les samedis à partir de 12h30. DJ Topher au platine nous fait un show de folie jusqu'à 6h. On est la seule radio à diffuser et c'est exclu. Yeah. Pas vous écouter le clavier IP, c'est juste ici que ça se passe, c'est là dans la radio, sur le 107.4 également, sur internet. Ça se passe bien Léna dans les studios, très, l'ambiance très bien. Estivale. Oui, je prépare le sein du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chronique qui va arriver, qui est une des plus croustillantes m'a-t-on dit. C'est vrai. Quand elle est dorée à point alors là, oula. En plus c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui. Exceptionnelle. Bah oui. Pourquoi donc? Parce que c'est la fête d'un de nos animateurs préférés. Ah, pourquoi tu te retournes? Oui, c'est celui qui est derrière, tu vois pas là, il y a... Voilà. Ah mais je m'en doute, c'est jamais ma fête. Mais non, c'est jamais toi. Ah là là, mais oui, ça fait plaisir de souhaiter la fête des gens, mais des fois on aimerait bien que ce soit la sienne. Voilà. Ah, c'est vrai. Oui, bah oui, forcément. Bon, la fête, c'est un peu cette tradition du prénom hein, qui date d'une certaine époque, ça date des saints finalement, c'est une fête un peu religieuse, quelque part. Oui. Non mais c'est vrai. Oui. Catholique, plus ou moins. Oui, bah oui, complètement. Nous allons donc fêter la fête d'un prénom aujourd'hui, encore une fois de plus. Voilà. Un prénom, j'espère, bien sympatoche. En tout cas, on vous en parle un peu plus après. The Pequeño, tu connais? Oui. C'est vrai? Oui. Vous savez qu'on les avait reçus ici à l'antenne? Non, ça, je savais pas. Ah, ils sont là en photo, juste wow. Là-bas, sur le tableau. Il y avait donc Sarah, qui est la leader, un peu, la chanteuse. D'accord. Et ils avaient été très sympathiques. The Pequeño, leur titre, c'est Le Centre du Monde. Ça a cartonné, ça cartonne encore sur notre antenne. J'espère que vous êtes installés. On se dirige pour l'instant vers les 10 000 pieds. Là où je vous emmène, tu peux même danser du pied. Rien que des vibes, rien que des sons pour tout couleur assurer. On n'est pas là pour s'embrouiller. Pour vous mettre comme il faut, vous êtes comme mes invités. C'est de la musique pour vous faire bouger. Ambiance est mouvée, secouée de tous les côtés. Tu es le centre du monde, baby. Comme les cowboys dans le Nevada, Ringo, le rythme comme le Mapuka, c'est de la bombe de bois, Haïti, Sénégal ou Guadada. Toi là-bas, t'as l'air de cailler comme au Canada. Approche-toi un peu, on veut te voir brailler ou lever les bras. Garçon, dis ce que tu connais déjà. Parce que c'est danger. Donc on vient pour donner ça. Viens avec moi, je vous emmène, On veut d'où que tu sois, tu danses balam, balam, balam. Viens avec moi, je vous emmène, On vient sous tout ça, dans son balam, balam, balam. Viens avec moi, je vous emmène, On veut d'où que tu sois, tu danses balam, balam, balam. Viens avec moi, je vous emmène, On vient sous tout ça dans son balam, balam, balam. Tu es le centre du monde, baby. Faut pas confondre ici ou là, partout c'est chez toi. Réquestion. Le centre du monde. Événement estival. Le mercredi 1er août, venez assister à l'émission du club Macumba en direct du Café de la Plage à Tresraou. Événement en direct, Café de la Plage. L'événement de l'été à ne pas manquer, c'est à partir de 20h et en live sur l'antenne d'Estival. Estival à Pérou Tirec, au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM 107.4. Voilà donc Estival, effectivement l'événement, ça sera Club VIP. Le club Macumba qui recevra donc mercredi 1er août, qui recevra carrément un café de la plage. Donc on se déplacera là pour le coup. Ça va être une bonne ambiance. Dans les studios, la bonne ambiance, c'est avec Léna également. Oui. Oui. Oui, je suis en train de regarder la météo. Ah oui, parce que Léna va s'élancer. Si on fait un petit tour d'ailleurs des chroniques à venir dans l'émission. Oui. Alors, qu'aurons-nous dans cette émission ? Alors, là, on va passer au sein du jour, qui va se tartiner sur le canular. Et ensuite, on aura la météo des fruits de mer et puis le dance machine, le sun game et encore plein de choses. Oh là là, et on en a de la chance. Ah bah ouais. C'est estival, c'est ça ? C'est la ça. Radio ? Oh, c'est ça. Bien. Ah, il y a plein de choses. Hein. Vous voulez réagir à cette émission, dire combien vous appréciez le son ou si vous voulez dire que vous voulez d'autres sons, n'hésitez pas. Je parle bien sûr de musique, de single. 0622 69 18 19, c'est un peu ce qui alimente la radio, donc n'hésitez pas. Là, pour l'heure, nous allons retrouver Léna en live pour nous parler du saint du jour. Tu es prête à partir en live ? C'est parti. C'est parti. Donc le saint du jour, c'est un prénom à l'honneur. Tu nous en parles, tu fais la caractérologie, c'est-à-dire l'étude psychologique du prénom. Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors aujourd'hui, nous allons fêter la fête à Jack. Ouais. Bonne fête Jack. Bonne fête Jack. C'est moi-même quelque part. Ah bah oui. Je suis très ému, je suis content. Et je remercie tous ceux qui m'ont permis aujourd'hui de remercier pour fêter la fête de mon prénom d'animateur radio. Merci à tous. Ça va, t'as pas trop les chevilles qui enflent. Je suis content. Ouais. Et en même temps heureux. C'est un sentiment presque indescriptible. Ah, je crois que c'est... J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Donc, la caractérologie de Jack. Donc, il aime les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, leur grandeur et leur faiblesse. Il est gentil, facile à vivre. Tu sais écouter les autres avec intérêt et leur donner des conseils judicieux. Il est parfait, notre Jacques. Exactement. Mais oui, mais par contre, on peut te reprocher ta vanité excessive. Ah ah. Bah oui, tu as un besoin constant de t'exprimer, de voir de nouvelles têtes ou tout simplement de rêver. Et par contre, le seul truc, c'est que tu pourrais peut-être t'adapter à la routine assez facilement. Ah, peut-être. Mais c'est marrant parce que c'est pas faux. Tu es tendre, sensible et charmeur. Ah, je comprends pourquoi nos auditrices t'aiment bien, en fait. Ah, hein. C'est pour ça. Ah, bah oui. Ah, mais alors, dis donc, bah, c'est plutôt pas mal quand même, finalement, comme prénom. Oui, c'est pas mal de s'appeler Jack. Bah ouais, pourquoi pas. Tiens. Aujourd'hui, Jack vous offre Various Artists. Ah non, c'est DJ Crispy et Didier Sinclair. Ouais. Heavenly, sur internet vous verrez, c'est écrit Various Artists. Hein, c'est pour ça que je t'ai dit comme ça. Soundtrack One, Heavenly. Sur l'antenne. Le club VIP. Heavenly, si je ne m'abuse. Oui, si je ne m'abuse, Léna, c'est de qui, Heavenly? C'est DJ Crispy et Didier Sinclair. Ça me fait toujours rire, DJ Crispy. Ça croustille sous les oreilles. DJ Crispy. Nous sommes dans le club VIP, c'est sur le 107.4, la bonne ambiance, la bonne humeur. Mm-hmm. Ça continue, il me semble. Oui, ça va très bien, on y va. Du côté de la bonne ambiance, ça va. Ça a le sourire. Du côté de la bonne humeur, bon, je crois que c'est pas mal non plus. On va attaquer la suite du programme d'ici quelques instants. Oui. Ah oui, parce que tu vas lancer le titre. Oui. C'est pour ça que tu t'élances, tu veux le regarder. Attends, voilà. Tu vas lire ici. Donc à la radio, comme ça, on a un écran pour annoncer les titres. On vous met un peu dans la confidence, les auditeurs, on aime bien comme ça vous offrir ces moments de radio en direct. Donc Léna est venue du côté de la régie, quelque part, pour un peu vous lancer le titre, parce qu'elle a cette charge. Éclaircis-toi la voix un petit peu. Ah voilà, c'est parfait. Alors là, vous allez avoir un titre clair, limpide. C'est à toi. C'est Tyrone Carter avec Juste pour le week-end. Suivre Estival en permanence, c'est simple. estivales.fm.free.fr estivales.fm.free.fr. Alors C'était Twist Society Killer à l'instant. Vous écoutez le Club VIP, toujours dans l'ambiance de folie. Club VIP. Léna dans les studios. Oui, Léna est là, elle arrive parce qu'elle se prépare, elle fait la météo pour savoir un peu à quelle sauce vous allez être mangé, à quelle sauce le temps va vous déguster. Sauce soleil ou alors sauce pluvieuse? Suspense. Il y a sauce nuageuse aussi. Ah, ça existe? Oui, oui, avec des petits nuages qui flottent au-dessus de nos têtes. On verra la sauce du jour, en tout cas, on espère qu'elle sera bonne. Tu as entre tes lèvres. Oui. Le bonheur ou le malheur des vacanciers? Imagine, la pression. Oh là là. Mais pour l'heure, réjouissons-nous, car voici l'heure du canular du jour. Ouais. Et nous allons appeler... Que vas-tu appeler? Une brasserie, c'est ça que tu m'avais dit? Non, j'ai changé d'avis. T'as changé d'avis? J'ai changé. Ah, qu'est-ce que tu vas nous faire? J'ai changé. Et je vais appeler un hôtel qui s'appelle Jack Hotel. Wow. C'est marrant parce que Jack l'animateur appelle Jack Hotel. Jack Hotel. Et je vais me faire passer puisque... Un vrai canular, c'est... il y a toujours un peu de challenge derrière voilà, tout ça. Forcément. Je vais me faire passer pour un animateur de télévision américaine, Jack Pozzonich. Donc je vais tenter l'accent. Ça serait pas plutôt une italien? Ouais, tu veux un... Non, non, mais vas-y, un nom américain. Non, mais on peut essayer un nom américain, si parce que ça fera moins... Jack McLean. McLean. Ouais, mais ouais. Non, bah fais pas Mac Denis. McDouglas. Jack McDouglas. Ok, on va appeler ça, on va appeler l'hôtel. Et oui. Puis bah, je vais faire un peu mon difficile pour voir, hein, puisque j'arrive de New York. On va voir si ça passe, si ça décroche, on n'a pas fait les tests. Hein. Ah, bah, déjà, vas-y. Est-ce que la ligne est bonne aujourd'hui? Je crois qu'elle se porte à merveille. Ça se passe bien. C'est parti. Je crois qu'elle va bien. Elle va bien, la ligne? Oui. Elle a retrouvé la forme. Elle te fait ta fête aussi. Bien. Elle est gentille comme ligne. Ça va. Jack Hotel, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Jack McDouglas. Oui. Je suis animateur sur New York. Oui. Et j'aimerais savoir les conditions pour tout simplement venir dormir sur la capitale. Oui. Pour quelle période, monsieur? Well, le plus tôt possible, hein, en fait, parce que je suis actuellement dans un congrès d'animateurs TV. Que vous devez connaître, le Sensation Podium? Non, absolument pas. Ah, ok. J'avais besoin d'un hôtel. Je m'appelle Jack McDouglas, donc... Oui, monsieur, oui. Mm-hmm. Et donc, je voulais aller un petit clin d'œil à Paris, la capitale. Je voulais aller dans Jack's Hotel. Mm-hmm. C'est une plaisanterie, monsieur? Non, pas du tout. Si, c'est une plaisanterie. Ah non, je suis très sérieux. Eh ben, vous nous envoyez un mail, monsieur. Vous nous faites une demande. Ça marche pas mal? Oui, oui, avec votre numéro de carte bancaire et on vous répondra. D'accord. Est-ce qu'il y a des chambres préférentielles pour les VIP? Il y a un tarif, là, promotionnel pour tout le monde, pas seulement pour les VIP. Ah, il y a une promotion en ce moment? Oui, tout à fait, monsieur. Promotion. Quelle chambre? Quel type de chambre? Suite? Résidence? Non, mais non, monsieur, il n'y a pas de suite. Vous êtes dans un hôtel 2 étoiles. On n'a pas de suite, on a des chambres simples ou doubles, voilà. Il y a possibilité d'avoir 2 chambres? Oui. Ou une personne? 2 fois 1 personne. Non, 1 chambre, 2 personnes. Oui, le plus simple, monsieur, c'est que vous nous faites votre demande par mail et on vous répond. Oui, moi, je fais l'effort de vous appeler. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais il faudra quand même me faire une demande par mail et je vous répondrai. Ok, ok. Voilà. En tout cas, bonne fête, bonne fiesta, comme on dit, puisque c'est la Saint-Jacques aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et il fait plutôt beau sur la capitale? D'accord, ok. Léna, viens là. Oui. Ils sont pas gentils dans mon non, hôtel. Non, ils t'ont raccroché au nez. Ils sont pas c'est gentils C'est pas très dans sympathique. Mon hôtel. Et dire que ça s'appelle Jack Hotel. Non, mais ouais, c'est bien, c'est bien, un on aime peu... bien. Non, on aime bien. C'est tu bien. Tu l'as légèrement, je crois, énervé mais pour oui, la journée. Mais ça va être bon. C'est ma faute, parce qu'on chamaille un peu. Peut-être oui, que oui, l'accent oui. américain, je réussis pas si bien que ça aussi. Non, elle a peut-être... Faut dire ce qu'il faut dire, hein. J'ai un accent américain un peu franchouillard, on peut dire. Oui, oui, oui. Francophone. Non, mais c'était bien marrant. Mika, Moto Blanco. Ça, c'est la musique. Moto Blanco sur antenne. Club VIP. Le Club VIP, ça continue dans cette bonne ambiance avec son lot d'animateurs. Et puis, comme on aime bien le sport ici sur l'antenne, c'est important de faire du sport transpiré un peu pour éliminer les mauvaises toxines. Il y aura Mister Thomas qui viendra nous parler sport, actualité sportive, juste après Garbage. Le titre, c'est Tell Me Where It Hurts. C'est dans le Club VIP, tout se passe bien, vous êtes nos invités, alors advanti la musique. Le Club VIP. Tell me where it hurts sur l'antenne d'Estival sur 107.4. Estival FM, c'est la radio des huîtres. Radio des huîtres. Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, gagne ta bourriche. Une bonne bourriche, ça fait toujours plaisir. Je t'annonce que tu viens de gagner 48 huîtres. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Ah, je sais pas, là, je suis un peu ému. Je vais aller manger déjà, ou les farcir avant. Je penserai à vous, à 107.4, Estival FM. Merci beaucoup. Estival FM, premier sur la plage, premier sur les crustacés. Club VIP. Club VIP, la suite. En compagnie de Thomas qui est animateur sportif, spécialiste sportif, prof de tennis hein, également à 16h. Également, c'est vrai, t'as tout juste. J'ai visé juste. Et fervent supporter de quel joueur actuellement? J'aime bien les Français, donc ça passe par Gasquet qui fait ma foi une bonne saison en ce moment, donc je suis assez content. Et puis disons que j'aime bien les petits jeunes là, qui sont en train de percer là, Djokovic, Murray, Nadal également, bon ça on le connaît déjà depuis longtemps, mais donc c'est vrai que je m'intéresse aussi aux petits jeunes là, qui et sont en train de percer. Et voici maintenant le billet d'humeur de Thomas, enfin quelque part la chronique sportive avec les résultats. Et tutti quanti à toi Thomas. Exactement, donc à la demande de Jack, hein, on va parler un peu de tennis aujourd'hui. Et on va faire un récapitulatif sur le classement. Donc côté masculin, classement ATP. En fait, le classement ATP, pour expliquer à ceux qui connaissent pas trop, bien sûr, c'est le classement sur 2 ans en fait. C'est-à-dire que par exemple, Federer, il a gagné l'Open d'Australie l'année dernière. Il l'a gagné également cette année, donc en fait il perd pas de points. Mais si par exemple il avait perdu le tournoi cette année, il aurait perdu des points par exemple face au deuxième qui est Nadal. Donc en fait ça fonctionne comme ça en fait, ça fonctionne sur 2 ans. D'accord. Et donc le classement ATP Race en fait c'est sur 1 an. Donc un c'est an, les points d'accord. que tu prends, par exemple Nadal il est premier en ce moment parce qu'il a gagné plus de titres que Federer. Par exemple il a gagné 6 titres jusqu'à présent, il a gagné Roland-Garros également par ses 6 titres. Alors que Federer, lui, il est deuxième parce qu'il a gagné que 3 titres. Et dans ses trois titres, il a gagné l'Open d'Australie. Rien que ça. Voilà. Donc c'est déjà ça. Mais, donc alors, en tête. En numéro 3, tiens. Enfin, tu as commencé par lesquels? T'as les combien, là? Je vais commencer par le classement ATP. Je vais te faire capitulatif. Dans le désordre? Enfin, ouais. Dans l'ordre décroissant? L'ordre décroissant, tu veux dire? Ouais. Allez. Pour parti. Le suspense. Allez, donc dixième classement ATP, donc c'est James Blake, l'américain. Ouais. 9e, Tomias, l'allemand. Sympathique. Voilà. Richard Gasquet, notre petit français, 8e. Ah, quand même. Ouais. Il se débrouille, hein. Ah, ouais, suite à son bon résultat à Wimbledon, c'est sûr que ça l'a fait booster, quoi. Septième, Robredo. L'espagnol Tommy Robredo. D'accord. 6e, Fernando González, le chilien. Comme quoi, hein. Ouais. 5e, Andy Roddick, l'américain. Il y a des Américains. Ils sont bien représentés. C'est comme les Espagnols, hein, tu me diras. D'accord. Quatrième, le Russe Nikolaï Davidenko. Ensuite, la future star, moi je le vois bien être à la lutte à la première place mondiale dans les années à venir avec Nadal. C'est Novak Djokovic, le Serbe. Qui combien alors là? Il est 3e là en ce moment. Ah oui, quand même. Donc il est bien placé. Il est sur le podium comme on dit. Voilà, exactement. Au moins je pense qu'on est sûr de le retrouver au Masters à la fin de l'année. D'accord. Donc Djokovic 3e, 2e Nadal, c'est pas de surprise. Et enfin 1er Federer. D'accord. Classement ATP Race, là cette fois-ci c'est Nadal parce qu'il a gagné plus de titres jusqu'à présent. Race c'est quoi? C'est ceux qui ont gagné le plus de tournois, c'est ça? En fait c'est ce que je t'ai dit, c'est sur une année. D'accord. Donc en fait ça part du 1er janvier et ça finit le 31 décembre. Donc il serait dans une meilleure pente ascendante finalement Nadal que Federer. Que Federer, exactement, ouais. D'accord. Pour l'instant, donc en fait ce qu'il faut préciser aussi c'est que le classement ATP et classement Race, ils vont coïncider à la fin de l'année. Bien sûr. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, Nadal il va devenir premier mondial. D'accord. À la fin de l'année. À suivre. À suivre, exactement. Donc premier Nadal, deuxième Federer, troisième Djokovic, quatrième Roddick, cinquième Davidenko, sixième González, septième Ljubicic, le Croate aussi, il ne faut pas oublier. Huitième Gasquet, huitième égalité avec Gasquet, Ferrer, l'espagnol David Ferrer, et dixième Yuzny. D'accord. Alors. Voilà. On peut attaquer direct maintenant. Bon, on a vu le tennis, plutôt ouais. Sympathique. Il y a une actu pour le tennis là en ce moment, il y a des tournois. Juste pour dire, j'ai vu ça il y a 2-3 minutes. Là, j'ai vu que Gaël, mon fils, vient de perdre son match face à Ricardo Melo, c'est un Brésilien. Mmh. C'était au tournoi. Non, c'était pas Los Angeles, je sais plus, c'était aux États-Unis, mais c'est un tournoi. Voilà, c'est un tournoi d'Indianapolis. D'accord. Et donc, il a perdu d'entrée, malheureusement. Donc, voilà, juste une actu tennis. Actu tennis. Voilà. Alors, vélo maintenant. Vélo, ouais. la pédale finalement, le cyclisme. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Bah c'est pas terrible en ce moment. L'ambiance est un peu morose, on va dire. Hein, parce que... Morose, je peux me permettre. Ce oui, oui, oui, exactement. Bah tu peux le dire. Il y a ça, mais bon, si avec ça, ça ira encore. Mais là, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Une affaire de dopage, encore une. Ah. Ouais, Alexandre Vilotkourov, là, le coureur kazakh, qui a été contrôlé positif. Lors de ce contre-la-montre en fait, samedi 21 juillet. D'accord. Il a remporté le contre-la-montre. Moi j'avais vu quelques images, c'est vrai qu'il avait été impressionnant. Mais. Impressionnant de vitamines et un peu plus. Voilà, exactement. D'accord. Je pense qu'il avait fait le bon mélange en fait. Hein, tu d'accord. Vois. C'est bien lamentable, mais bon. Oui, c'est lamentable, c'est sûr. Et donc, suite à cette expertise négative pour lui, en tout cas positive. Positive plutôt, ouais. Coup, ouais. Et donc, l'équipe Astana a quitté le tour. Donc. Aujourd'hui ? Ouais, c'était hier. D'accord, hier, ils ont décidé de quitter le tour. Donc, tous les favoris. Enfin, un bon nombre de favoris parce qu'ils étaient au moins 3 dans les 10 premiers. Donc, du coup, ça va libérer un peu de place pour les autres favoris. D'accord. Et donc, c'est vrai que l'ambiance n'était pas terrible. Bah, d'ailleurs, Christian Prudhomme, qui est président du tour, disait que les coureurs en ce moment jouaient à la roulette russe. Donc, ce qui prouve bien cette ambiance. Qui prennent des risques. Voilà, exactement. On fait juste un point rapide, on finit par le classement. Cyclisme. Classement cyclisme, toujours Rasmussen qui est premier devant l'Espagnol Alberto Contador et enfin l'Australien Cadel Evans. Ok, merci voilà. Pour la musique Sophie, les Bextor, Me and My Imagination. N'hésite pas à vous lâcher sur les coms 0622 69 18 19. Should be won so easily. Your eyes are on the prize. I'm worth the wait. Don't need to know the end, 'cause darling, magic stays where myth remains. I'm under your spell. Don't release me. Never give the game away. Try to keep me entertained, baby. Don't make it too easy. And À l'instant, c'était Sophie Lisbector, Me and My Imagination sur l'antenne. On aime bien ces sons-là, c'est très frais, c'est électro. Est-ce que la météo va être fraîche, Léna, tu penses ? Non, non, ça va. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Parce qu'ici, on a une chronique, ça s'appelle La Météo. C'est Léna, en fait, qui s'y colle. Elle vous donne un peu la condition météorologique pour votre week-end, tout simplement. Que dis-je également pour la semaine également ? Oui. Pour le week-end, pour la semaine, enfin pour tout. Et là, en l'occurrence, pour demain, hein. C'est bien ça ? C'est exact ? C'est ça. Je dis pas de bêtises ? Non. C'est parfait. Alors on va s'élancer, on va retrouver cette météo, c'est maintenant dans la radio, c'est parti, c'est la météo. Ah j'ai même pas de jingle, c'est vrai. Pour mercredi, donc aujourd'hui il y aura des nuages mais le soleil sera présent. Donc j'ai été faire un petit tour dehors il y a pas deux minutes, il fait bon. Bon, il y a un peu de vent mais ça va, il fait 21 degrés et je pense qu'on pourra aller sur la plage cet après-midi. Voilà. Voilà pour le petit tour. Oui, voilà pour d'horizon. Le petit tour. Bah très bien, ça nous met bien en joie. Et pour la musique, je te propose un nouveau son. On va attaquer ce nouveau son. Oui, voilà, c'est dans un esprit très frais. Moi, je vous propose tout simplement de retrouver ce nouveau son là tout de suite. Là, je vous le calme. Non, parce que la météo m'a un petit peu mis en finalement en joie. Et je vais changer, je vais mettre quelque chose de très très summer. On va attaquer avec Didier Sinclair, Feel the Wave. On se retrouve derrière pour la suite. Tam tam tam, c'était Didier Sinclair, Feel the Wave sur l'antenne du Club VIP. Vous écoutez le Club VIP, toujours dans l'ambiance estivale summer avec le beau temps en perspective. Vous l'avez entendu, Miss Météo des Fruits de Mer nous a fait une météo qui nous a réchauffé le cœur, puisque le soleil est prévu sur la belle côte de Granit Rose, cette cité rose aux couleurs bien sympathiques, bien flamboyantes. On va attaquer avec la suite, la redite qui est en quelque sorte du journal, c'est exact, Léna ? Oui, Léna. News de plus en plus insolite. On y va ? Oui, on y va. Ok, c'est parti, tu me donnes le compte à rebours. Et je rappelle quand même que ce journal est préparé par toute une équipe de la rédaction qui planche énormément sur les news insolites, qui creuse toutes les dépêches AFP qui tombent partout dans le monde pour vous donner le meilleur, le plus croustillant, le plus réjouissant. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au sommaire, la Hongrie s'interroge sur la législation de la sieste. À Budapest, les Hongrois pourraient bien avoir à se rendre aux urnes début 2008 pour décider de la législation en matière de sieste. La personne à l'origine de cette idée devra réunir 200 000 signatures nécessaires pour le lancement de ce référendum. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce qu'ils vont calculer la durée de la sieste, l'heure officielle de la sieste ? Voilà, en fait, c'est établir carrément le concept de la sieste. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie sieste ? Voilà. Aux urnes citoyens pour la sieste. Deuxième news. À Washington, la machine à compliments vous remonte le moral après les câlins gratuits. Les compliments gratuits. Pour retrouver le moral aux personnes, pour redonner le moral aux habitants de Washington, Tom Graves, un artiste de 46 ans, a créé une machine à compliments qu'il a installée sur une rue fréquentée de la capitale américaine. Donc c'est sans doute une machine où on met pas d'argent, on appuie sur un bouton, on met de l'argent. Ah, c'est aux États-Unis. Non, c'est gratuit, je crois. Ah, c'est gratuit. C'est comme la machine à bisous. Elle est gratuite ? Elle est gratuite aussi. Ça marche bien la machine à bisous ? Apparemment. Ça fonctionne. Puisqu'ils ont fait la machine à compliments derrière, donc ça doit marcher. T'es génial. Ah bah ouais. Mais t'es génial. Ouais, t'es beau aujourd'hui. Ouais, mais... C'est normal, c'est ta fête. Bah ouais, tout à fait. Voilà. T'es très... Tu me fais penser à Proust, aux jeunes filles en fleurs aujourd'hui. C'est vrai. Oui, je ne dirais que ça. Nous allons attaquer avec le programme des activités de Cap Armor, destination bien-être également, nos animations sur le thème de la promotion santé et du thème sportive. Alors, cet après-midi à Central Park, vous avez un tournoi de basket de 14h à 16h. Ensuite, pour la soirée, vous avez du golf de 17h à 18h30, du handball à Kerabram de 18h30 à 20h en initiation et de 20h à 23h en tournoi. Pour DBE, donc destination bien-être, aujourd'hui c'est spécial Kai, donc journée spéciale pour les filles, à Trestraou. Donc pour le jeudi 26, vous avez une course d'orientation à Trestraou de 15h à 17h30. Pour la soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30, du bowling de 19h30 à 21h, et bien sûr le podium Jeune Talent avec parti pris au jeudi de Trestraou de 21h à 21h45. D'accord. Donc voilà. Et pour la... Bah ça c'est bon, tu nous as fait les deux journées là quand même, c'est pas mal hein. Moi, je voulais tout simplement retrouver en musique. Tu l'as dit, c'est la Saint-Jacques aujourd'hui. Donc, je peux faire un peu quelques cadeaux. Vous savez qu'ici, à la radio, on reçoit pas mal de personnalités. Et je me retournais vers le tableau des personnalités, là où ils sont tous photographiés. Et je voyais un ami à moi, Rof, qui est quand même le grand champion du rap R&B. Et je voulais absolument, pour ma fête, écouter la résurrection de Tony. Faire dans le biz, niquer les taïtana. Regarde bien où tu mets tes panas. L'alcool, les drogues et les armes te laissent mort ou au placard. Kiffer, je fais Tony Montana. A la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches ou le tarma. Pour les mecs qui ont le manche et ne font jamais les carnas. Coke, Tony, tu perds les pédales. Ta fumée manie ne sent plus les rafales. Parti en tout chaud sur une montagne de crème. Pour être seul contre tous, faut du courage et des armes, des guns, ça. Ok, on remet ça, enfoiré de sosa. Le chargeur rempli de messages, c'est pas des hommes ça. Avec ton or, ton diamant, je laisse ça aux femmes nombrées, violemment, on constate. La gérosphère fumée, donc on tape. T'as la dalle de Tunamed, faut qu'on se capte. Je suis apte, les principes tiennent le pouvoir. Lorsque tu possèdes tout ce qu'un homme rêve d'avoir, le matériel, la taille du boss. Quand t'as le manche, tu oses. Tu cause. Ta hausse, tout le monde s'allie à ta cause. Les juges, les profs, ton banquier, ton avocat, tous payent en liquide, en bastos ou en drogue. Qui veut jouer Tony Montana? Se refaire dans le biz, niquer les taïtana. Regarde bien, tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches ou le tarma. Pour les mecs qui ont le manche, ils ne font jamais les canards. T'as l'argent, t'as le pouvoir. T'as le pouvoir, t'as les femmes même, Stevie Wonder a pu le voir. J'ai avance ton pion et le sens des affaires. Des champions qui ont des thunes, n'a plus quoi savoir en faire. On espère avoir ce problème. Plus de sous, plus de soucis, plus tu souffres, plus on t'aime. Plus on plus speed, ils ont drogué l'époque. On incarne le mode de vie, Scarface dans le froc. La loi la plus grosse tasse, la France en état de choc. Trop chaud pour du cash, même des cadavres qui flottent. Tony, t'es un schlat, tu dépends ta camelote. Haute mer, la navigation dépend de son pilote. Sans le périple de l'illicite, sans la première boîte. Le radar c'est le Glock, les bouches changent de top tant que ça croque. Pop tes couilles, ton flingue, y'a pas de pote. T'es enceinte d'une balance, va avoir. Qui veut jouer Tony Montana? Se refaire dans le biz, niquer les taïtana. Regarde bien, tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches ou le karma. Pour les mecs qui ont le manche, ils ne font jamais les canards. Tu veux faire le mafieux, tu te verras pas vieux, tu finis dans le feu, sans plusieurs coups de feu. Ton équipe s'implante, les plans sont juteux. L'angoisse te prend au ventre, l'amitié est douteux. Le bonheur est coûteux, comme ton orgueil. Tu peux t'évader, tôle, mais pas d'un cercueil. De criminel, personne s'en mêle. Même les inspecteurs, adieu, mêle. J't'ai fourraille, bien, alors t'es choqué. J'suis déjà trop loin, ta biche, ok. La résurrection de Tony, la famille. Hommage aux frères qui nous ont quittés en folie. Qui veut jouer Tony Montana? Se refaire dans le biz, niquer les taïtana. Regarde bien, tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches ou le tarma. Pour les mecs qui ont le manche, il ne faut jamais les canards. Qui veut jouer Tony Montana? Se refaire dans le biz, niquer les taïtana. Regarde bien, tu mets tes bananes. L'alcool, les drogues et les armes, te laisse mort ou au placard. Qui veut jouer Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes hanches pour le karma. Pour les mecs qui ont le manche, il ne faut jamais les canards. À l'instant, c'était Tony Montana, La Résurrection, un texte de Rof, notre chanteur que nous avons reçu ici, chanteur, rappeur, que dis-je, hein, personne de renom, en tout cas dans le milieu du R&B. Nous allons attaquer la suite du programme. J'appelle pour cela ma complice, Léna. Léna qui est aujourd'hui très resplendissante, hein, dans les studios, vous ne le voyez pas, ça reste de la radio, mais sa voix ne trahit pas. Et sa voix vous dit bien qu'il y a un sourire derrière ce poste de radio. Oui. Donc, la suite du programme, c'est le Dance Machine du jour. On va danser. Voilà. Mais avant, je propose un petit TVscope, ça te va? Ah bah, propose. Ouais. Bah, j'accepte. Ok. TVscope, pour rappeler aux auditeurs qui nous retrouveraient pour la première fois, c'est un petit tour de la télé, de façon sonore. Ouais, c'est de la télé-réalité, c'est un peu de tout en fait, c'est ce que je trouve, ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie de vous transmettre surtout. C'est beau quand même. Bah oui. Et nous on a envie de l'écouter avec beaucoup d'impatience et ce sourire, garde-le bien pour le TVscope. C'est à venir dans la radio, Gwen Stefani pour la musique, 4 in the morning. But now the sun is fine. Le club VIP. Ouais, c'est le club VIP, c'est la suite. Ça se passe bien, c'est avec Jacques et Léna sur l'antenne, sur le 107.4. Vous écoutez également par internet au www.station-millenium.com où vous tapez Estival FM sur un moteur de recherche bien célèbre et vous nous trouvez classés en première catégorie. Évidemment, les Estivales Apéros Guirec, c'est bien sympathique et ça se passe sur toute la côte de Granit Rose. On n'oublie pas nos amis lagnonnais, enfin ceux qui arrivent à nous capter tout simplement en FM. On les salue. La suite, Léna, nous attaquons avec ce moment d'anthologie, car si vous n'aimez pas regarder la télé pendant les vacances, nous on aime bien vous en faire un petit point pour vous tenir informé de ce que vous loupez, ou plutôt de ce que vous ne loupez pas. Ça s'appelle dans la radio le télescope. Mm-hmm. C'est bien ça, Léna ? C'est ça. Je dis pas de bêtises ? Non, tu ne dis pas de bêtises. Et le télescope, c'est un moment très attendu par les auditeurs qui n'ont plus la télé. Tu sais, hein, tous les, nos amis campeurs qu'on salue... Tous ceux-mêmes qui font le deuil de leur télé pendant ces deux mois, ils ont bien raison. Moi, je fais un petit coucou à Erwan. Ah oui, bah oui, bien sûr, Erwan. Qui ne vit plus sans télé, bien sûr. Voilà, qui est un auditeur fidèle, on le salue. Le télescope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, pour le télescope, j'en ai deux. Donc, soit c'est les vérités de Lali au sujet de Secret Story, soit c'est la présentation de L'amour est dans le pré. Les deux, hein. Les deux, tu veux faire aujourd'hui? Ouais. Bon, on va faire les deux. Alors, comme tout le monde sait, Lali est partie de Secret Story, donc elle a eu sa première interview dimanche dans Le Parisien. Et la première impression qu'elle a eue en sortant, c'était du soulagement. Les mots ont été durs, la candidate n'hésite pas à parler en fait de mensonges, d'hypocrisie, de destruction. Donc pour évoquer cette aventure... Donc c'est pas top. En ligne de mire, il y a la production, puisqu'elle n'hésite pas à révéler que la production lui aurait demandé de relancer constamment le jeu. Ah donc ouais. Ouais, elle dit « sans moi, ça aurait été le calme plat ». Donc en plus, elle n'a pas apprécié l'organisation, du moins, que la production a fait pour réconcilier en direct Tatiana et Lali. J'avais vu les images, ouais. C'était troublant. Elle n'a pas apprécié. Et au sujet... Ah oui, parce qu'il y a eu une grosse polémique sur son métier, parce qu'on sait qu'elle est stripteaseuse la nuit et policière la journée. Donc, elle est vraiment policière ? Oui, elle est vraiment policière. Parce qu'en gardien de la paix ou... Non, quel dans grade ? Une brigade, je crois que c'est à... C'est dans le sud de la France. On peut comme ça faire deux métiers, je crois pas, hein, d'ailleurs. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé si elle pouvait participer à Secret Story. Le commissariat a refusé. Oui. Normal. Donc, elle a démissionné. Maintenant, la rumeur dit qu'elle s'est fait virer. Ah ah, mais tous ses collègues apparemment étaient au courant qu'elle faisait du striptease le soir et ils allaient même la voir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et elle souhaite qu'Ophélie remporte le jeu. D'accord, je alors, sais pas qui c'est Ophélie mais... Ophélie c'est la playmate. D'accord. Bon. Voilà, alors pour le L'amour est dans le pré. Alors là on change complètement de registre, hein. J'explique aux auditeurs, soyez pas perdus. C'est une autre émission de télé-réalité. Voilà, sur M6. Donc je voulais vous la présenter parce que c'est assez marrant. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure et je vous balancerai des petits petites news. Ouais, c'est sympa. Alors l'objectif en fait c'est de présenter 9 exploitants agricoles au public pour tenter de leur trouver leur conjoint ou leur conjointe, parce que cette année il y a une femme. Donc c'est super. Ah donc il fallait trouver un mari à une femme. Voilà, donc M6 a donc décidé de sélectionner 9 célibataires et de présenter leur vie quotidienne dans un premier épisode. Donc en fait ça, il y a 6 mois de ça, vous avez dû voir sur M6 en fait, une présentation de tous les célibataires en fait. D'accord. Donc ensuite, il fallait que les téléspectateurs fassent le premier pas. Donc ils avaient quelques semaines pour écrire à la prod celui qui souhaiterait rencontrer. C'est un genre une lettre de motif. Oui, je vois. En fait, les gens regardaient et puis Sélectionnaient. Et puis ils sélectionnaient. Voilà. Fallait être plus ou moins dans le monde agricole ou pas ? Ah non, pas du tout. En fait, c'est toi ou moi, n'importe qui, n'importe quel téléspectateur pouvait envoyer sa lettre de motif en disant ouais, moi je veux le rencontrer lui parce que j'aime bien ci, j'aime bien ça, et tu pouvais participer à l'émission parce comme qu'ils présentaient les candidats célibataires qui étaient eux exploitants agricoles. Oui, c'est eux les candidats qui sont... Bah oui, c'est L'amour dans le pré. Oui, mais c'est pour ça que j'ai cherché voilà. Le rapport. Très bien. Essaye de suivre un peu. Non mais... Mais à coup pas. Donc voilà, et chaque semaine, vous pouvez les retrouver. Ils ont deux... Alors en fait... Donc ils sont 9, donc il y a 8 hommes et une femme. Donc à chaque fois il y a 2 téléspectateurs, du moins 2 candidats qui leur sont présentés et ils font leur choix, ils vivent avec eux et tout, et au bout de quelques temps ils font leur choix. D'accord, ça te va? Donc, il y a Philippe qui a 48 ans, qui est producteur de foie gras. T'as Hubert, 33 ans, qui est éleveur de bovins. Tu as Sandrine, 22 ans, qui est éleveuse de bovins aussi. Elle est mignonne ou pas? Oui, ça va, j'ai regardé vite fait, elle est pas mal. Elle a les cheveux longs, elle est... D'accord. Elle est châtain, elle est pas mal. T'as Victor, 27 ans, qui est aviculteur et qui est spécialisé dans la dinde. Tu as Frédéric, 36 ans, et agriculteur aussi, et éleveur de bovins. Tu cherches une... Ah oui, d'accord, continue. Tu as Dominique, 39 ans, Thierry, 33 ans, et Thierry, 33 ans, il est spécialiste dans les poulets. D'accord. Donc voilà. Et ça se finit quand? Ah, j'ai pas regardé quand est-ce que ça se finit. C'est en cours actuellement? Ouais, c'est en cours. Ça passe quand? Ça passe... c'était avant-hier. Faut qu'on regarde. Oui, c'est pour quand. T'as pas vu? Non. Moi, j'ai regardé, c'était super. Ça a l'air très drôle. Ah ouais. Et surtout un spécialiste de la dinde qui chercherait peut-être une dinde. Une dinde? Mais pour Noël? Ah, qui sait? Pour la gaver? Black Runner, this party started. How long can you go? Everybody, we've got the power to make the clubs move all around the world. Check this out. Everybody! Hey guy, hi, what's on your mind? Are you ready to catch that time? Crow on the floor becomes crazy. No panic, it's only one party. Rugged house on the beat, it's all. There's a promise, I'll keep control. Okay, I don't need much time. I'm free and upon in my mind. Hop the hamla, umash the shake. Runner à l'instant. C'est le club VIP que vous écoutez. On attaque avec la suite et quasi la fin. On se retrouve d'ici quelques instants pour le Dance Machine du jour, c'est-à-dire le petit revival des années 90. On fait également le jeu pour vous faire gagner une bourriche d'huîtres. Aujourd'hui, on est malade dans la radio parce qu'on vous fait également gagner deux places de cinéma. C'est dire qu'on vous donne énormément de cadeaux. On en a calculé, c'est pour une fortune. Une bourriche d'huîtres, 48 huîtres à vous faire gagner. Également Donc deux places de cinéma offertes par notre partenaire les baladins Apéros Guirec, qu'on salue évidemment. Tout ça à venir sur l'antenne, va falloir découvrir la charade du jour. Évidemment ça va pas être simple, mais bon, évidemment vous êtes des fortiches, donc faut vous accrocher. DJ Porny, Miss Sorny sur l'antenne, excellente écoute. Sympa, c'était DJ Porny, Misso Orny sur l'antenne du club VIP. Vous écoutez Léna, Jack, bientôt on va jouer au Sun Game pour vous faire gagner la bourriche d'huîtres et deux places de cinéma. Mais c'est incroyable, comment faire? 0622 69 18 19. Tout simplement 0622 69 18 19. Ça c'est pour gagner deux places de cinéma, la bourriche d'huîtres. Et puis on trouve Léna quand même pour vous parler du revival. Ça s'appelle ici à la radio, je vous cache pas, c'est le Dance Machine du jour. On adore se faire plonger dans ces tubes Eurodance. Mais pour nous en parler un peu mieux, voici donc Léna qui va s'élancer juste après l'indicatif. Il y a un indicatif spécial pour toi Léna, c'est le Dance Machine du jour. Indicatif, où te caches-tu? Voilà, il est là, c'est parti. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors le Dance Machine du jour, je vais le chercher, je reviens. Attends, c'est bon, ouais. C'est pour moi. Non, c'est bon, je l'ai, parce que j'ai l'autre côté. Donc c'est Space Master. Donc je le connaissais pas et je l'ai regardé, c'était dans la compile de Dance Machine et j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est un projet né en 92 par le DJ producteur italien Rossini, auquel il s'associe notamment à Graziano Fanelli et Paola Peroni. Donc ça c'est des DJ aussi. Ils ont également participé à de nombreux autres projets comme Corona, Capella. Donc Space Master sort son premier disque I Need You en 92. Et là en fait l'extrait que je vous ai trouvé c'est World of Confusion. Donc est-ce que tu l'as récupéré? Oui c'est est-ce bon. Est-ce que je te l'ai envoyé? Tu me l'as envoyé par la pensée, ouais, moi j'ai récupéré Master. Je te l'ai balancé. Bon écoute, on récupère ça tout de suite. Faut savoir que c'est dans une bonne esprit années 90, un pur esprit. Écoutez l'extrait, on vous passe juste qu'un petit extrait, c'est parti. Ah oui d'accord, c'est bien sympa. Le remix bien évidemment. Voilà donc un extrait du Dance Machine. On se croirait dans l'ambiance. Hein. On s'y croirait tellement que voilà, de retour à la réalité. Alors donc c'était le titre exact du groupe, c'était Space Master. Space Master, ah, c'est bien. On dirait le, c'est le nom d'un manège quasiment. Ouais. Vous venez de monter dans le Space Master. Attention, Space Master, vous attrapez le petit pompon qui va venir. Avec World of Confusion. Et puis d'ici quelques instants, vous allez tomber dans la chute, revenir, le Space Master, un magnifique manège, tout droit sorti des années 90. Ok, d'accord, on revient dans les années 2007 précisément, ouais. Puisque maintenant, trêve de plaisanterie, nous allons attaquer avec le Sun Game. Qu'est-ce que c'est le Sun Game? Eh bien, c'est le jeu. C'est le jeu. Aujourd'hui, nous allons vous faire gagner une bourriche d'huîtres offerte tout simplement par le club VIP et également deux places de cinéma offertes par notre partenaire les Baladins Apéros Guérec Lannion Guingamp. Donc n'hésitez pas à rester très concentré, ça sera une des seules fois où on vous fera gagner autant de cadeaux d'un seul coup. Là, on vous offre la totale. 0622 69 18 19. Ça, c'est le numéro SMS. Tu voulais le redire, Léna, pour... 0622 69 18 19. Il paraît qu'on le dit un peu vite. Ah, alors je reprends. Ouais. 0622 69 18 19. Voilà. Et le Sun Game, c'est le jeu. Il faut trouver la charade du jour. Alors, on s'amuse à décomposer le nom d'artiste sous forme de charade. Vous savez, mon premier, mon deuxième, mon troisième. Et il faut remettre tout ça dans l'ordre. Nous trouver... aujourd'hui une chanteuse, et si vous avez la bonne réponse, le numéro qu'on vous a indiqué, bah, il faut nous envoyer un texto avec la bonne réponse et nous on vous rappelle suite à ce texto. Le Sun Game, Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors le Sun Game du jour, mon premier est le quatrième mois de l'année, mon second est la note qui se trouve entre le sol et le si, mon troisième est un chant de ré. Zin. C'est ça? T'as mis raison. Des raisins. Oui. Mon tout est une chanteuse pop rock. Faut que tu saches écrire, hein. Je vais t'apprendre, je vais te donner des cours parce que. Ça va pas? On va relire pour les autres. Voilà, mon premier est le quatrième mois de l'année. Mon second, la note qui se trouve entre le sol et le si. Mon troisième, un chant de raisin. Mon tout est une chanteuse pop rock. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un texto, c'est une bourriche d'huit, deux places de cinéma, tout ça dans votre radio préférée, voilà, tout simplement. Faut rappeler ce qu'on gagne, une bourriche et deux places de cinéma aujourd'hui. Voilà, rien que ça, puis on se quitte car l'émission touche à sa fin. On vous dit à demain, même heure, même endroit, et puis pour quelque sorte un peu même punition. Hein. C'est parti. On se quitte avec David Vendetta, ciao, bye bye. Bye bye.